السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. En cette soirée du samedi 5 ذو القعدة 1432 l'Hégire بإذن الله عز وجل, ce qui correspond avec le 24 octobre. Une seconde, moi je trouve que l'alim c'est le 25. Une seconde, inshallah ta'ala. Le 24 octobre, na'am. 2009, bi'idhna azza wa jal. Nous sommes toujours avec l'aqid al-wa, c'est-à-dire toujours avec le deuxième tome. Et inshallah ta'ala, aujourd'hui c'est le 45e cours. Bi'idhna azza wa jal. La fois passée, nous avons vu, si vous vous rappelez, na'am, nous avons dit que on va juste réviser un peu, que les gens du consensus, les gens de la sunna et du consensus, qui suivaient beaucoup le messager d'Allah, alayhi sallam, yani dans tout ce qui est apparent et dans tout ce qui est caché aussi. Et on avait dit que rentre aussi dans le comportement des gens de la sunna de suivre le chemin de ceux qui nous ont devancés. Les précurseurs, les tout premiers, les muhajirin et les ansarit, et rentrent aussi dans leur comportement le fait de suivre le testament du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit suivez mon chemin et le chemin des califes bien guidés après moi. Et on avait dit qu'à la fin de ce hadith, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit et gare aux innovations, car toute innovation est une hérésie, une bid'a. Chaque hérésie est un égarement. Et on avait dit que la bid'a, en fait, qu'il fallait, inshallah ta'ala, lui laisser un ou deux ou trois cours spécialement pour elle. Spécialement pour elle, ça va venir, inshallah ta'ala, c'est très important pour le minhaj. Car j'ai dit une fois que si on ne connaît pas bien la bid'a et ses détails, qu'est-ce qui va se passer? Ou bien une chose qui n'est pas bid'a, on va dire d'elle c'est une bid'a. Ou bien une chose qui est bid'a, on va dire d'elle que ce n'est pas une bid'a. D'où l'importance de connaître c'est quoi la bid'a. Et on avait dit, et ça c'est le plus important, que la bid'a, comme a dit le messager d'Allah, c'est un égarement. Et que on n'est pas de l'avis de ceux qui disent que dans le dîn et la religion, il y a une bonne bid'a. Mais on dit, comme a dit le messager d'Allah, toute bid'a, dans le dîn bien sûr, est un égarement, et chaque égarement sera dans le feu. Naam. C'est pour ça que, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, il a dit, si quelqu'un dit qu'il y a une bid'a dans le dîn, ou bien, en fait, ce n'est pas une bid'a, il s'est trompé, si quelqu'un dit qu'il y a une bonne bid'a dans le dîn, ou bien, lorsqu'on va voir, on va trouver que ce n'est pas une bid'a du tout, ou bien, on va trouver que c'est une bid'a, certes, mais qu'elle n'est pas bonne, elle est mauvaise. Hein? Qu'elle est mauvaise. Non. Ce qu'il faudrait aussi savoir, c'est que la bid'a, comme on va le voir prochainement, inshallah ta'ala, il y a des sortes. Il y a la vraie et il y a celle qui est annexée. Il y a la bid'a qui rend la personne kafir, il y a la bid'a qui rend la personne seulement perverse. Enfin, seulement perverse, c'est-à-dire, c'est grave, mais moins que kafir. Et on verra, inshallah ta'ala, aussi, que on peut faire la bid'a avec les actes, comme on peut faire la bid'a avec les paroles, comme on peut faire la bid'a avec le cœur, yani avec ce qu'on pense. Non. Mais aujourd'hui, inshallah ta'ala, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est lorsque, non, lorsque Cheikh l'Islam, alayhi a dit, وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ. Il part toujours des gens de la sunna et du consensus, salaf salih. Il dit, وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ. Il dit, et ils savent que la parole la plus véridique est la parole d'Allah Azzawajal. وَخَيْرَ الْهَدِيهِ du Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Et ils savent que le meilleur chemin, le meilleur sentier, la meilleure guidance, c'est celle du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non. On va d'abord expliquer qu'est-ce que ça veut dire ça. Ensuite, on va avancer bi-idhnillah azzawajal. Lorsqu'il a dit, les gens du consensus et de la sunna savent que la parole la plus véridique est la parole d'Allah azzawajal. Cheikh Ibn Uthaymeen, alayhi rahmatullah, dit, هذا علمنا واعتقادنا. Il a dit, ça c'est notre science et notre dogme, notre critère. Que quoi? أن ليس في كلام الله كذب. Que la parole d'Allah Azza wa Jal ne contient jamais de mensonge. بل هو أصدق الكلام. Mieux encore, la parole d'Allah est la parole la plus véridique. فإذا أخبر الله عن شيء بأنه كائن فهو كائن. Donc par conséquent, si Allah Ta'ala nous apprend ou nous informe qu'une chose aura lieu, ça veut dire qu'elle aura lieu. Et s'il nous apprend que quelque chose a été, a déjà existé, ça veut dire qu'elle a déjà existé. Naam. Wa idha akhbara an shay'in bi anna an shay'in bi anna sifatahu kadha wa kadha, fa inna sifatahu kadha wa kadha. La même chose, si Allah Azza wa Jal, naam, si Allah Azza wa Jal nous apprend que par exemple telle chose a telle et telle description. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que telle chose a telle description, exactement comme a dit Allah Azza wa Jal. فَلَا يُمْكِنُوا أَنْ يَتَغَيَّرَ الْأَمْرُ عَمَّا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ. Il est impossible, hein, pour nous les gens de la Sunna, il est impossible, hein, que la chose change de ce que de la façon dont Allah Ta'ala l'a décrite. C'est impossible. Si tu crois dans ton cœur que la parole d'Allah Azza wa Jal est véridique et qu'elle ne comprend jamais un mensonge ni contradiction, non, ni ignorance, cela veut dire que tu dois croire que tout ce qu'il a dit est exactement comme il a dit. Maintenant, si quelqu'un, yani Allah Ta'ala, va dire que, par exemple, telle chose a telle description, ensuite, la personne va voir et va trouver qu'elle n'a pas la même description que Allah Ta'ala l'a décrite. Ça veut dire quoi? Qui s'est trompé? Ou bien tu vas dire Allah s'est trompé, ça devient du coffre. Ou bien tu vas dire c'est toi qui t'es trompé. Et en fait, tu vas trouver que c'est toi qui t'es trompé. Bi-idhnillah azza wa jal. Ensuite, Cheikh al-Rahmatullah va donner un exemple. Il a dit, مِثَلُ ذَلِكَ لَوْ قَالَ قَائِلْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ أَخْبَرَ أَنَّ الْأَرْضِ قَدْ سُطِحَتْ. قال تعالى وإلى الأرض يعني فلينظر وإلى الأرض كيف سطحت ونحن نشاهد أن الأرض مكورة فكيف يكون خبر خلاف الواقع. نعم. Donc Cheikh الله يرحمه dit ici, نعم, vous m'entendez maintenant, dit par exemple, si Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé, quand il nous a informé dans le Coran que par exemple la terre était plate, la terre était aplatie, comme il a dit dans le verset, wa ila al-ardi kayfa sutihat. Yani ne voit-il pas la terre comment elle a été aplatie, il rachia 20. Il a dit alors que nous, yani, on sait que la terre est ronde. Comment se fait-il, yani, quelqu'un va dire peut-être qu'il y a ici une contradiction. Il a dit fa jawabuhu anna al-ayata la tukhalifu al-waqi'. Réponse, que ce verset ne contrarie pas la réalité. Mais où se trouve la faute? Se trouve la faute dans nous. Nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, la terre, elle est ronde. Pas ronde, yani à 100%, mais disons à peu près comme le melon. Non. Mais Quand on marche sur elle, on ne peut pas voir qu'elle est ronde. Elle est aplatie. Justement, c'est l'un des miracles. C'est l'un des miracles. Comment une chose, en même temps, elle est ronde, en même temps, elle est aplatie. Justement, c'est pour ça qu'Allah Ta'ala, dans plusieurs versets, il dit, il ne voit pas ça, il ne voit pas, subhanallah, comment la terre est aplatie. Alors qu'en fait, elle n'est pas aplatie, elle est ronde. Et tout le monde sait que c'est difficile de marcher sur quelque chose de rond. Monter sur un ballon et marcher, c'est très difficile. Et pourtant, la terre est ronde. Et quand est-ce qu'on va voir qu'elle est ronde? Il faut s'éloigner d'elle. Il faut quitter l'orbite pour voir qu'elle est ronde. C'est pour ça que ils n'ont vraiment vu qu'elle était ronde que lorsqu'ils sont montés, ils ont quitté l'orbite, ils sont montés très haut vers le ciel. Et là, ils ont vu que la Terre était ronde, quoique certains avaient déjà prouvé sans monter que la Terre était ronde. Mais en même temps, le hadith, c'est qu'elle est aplatie, elle est plate. Regardez comment Allah Azzawajal peut joindre entre deux choses qui sont contradictoires. Non. طيب فإذا كنا نؤمن أن أصدق الكلام كلام الله فلازم ذلك أنه يجب علينا أن نصدق بكل ما أخبره به في كتابه سواء كان ذلك عن نفسه أو عن مخلوقاته. Il a dit, maintenant, si on croit et on atteste avec conviction et certitude que tout ce que dit Allah Azzawajal est véridique, alors quoi? Alors on doit croire à toute information qui vient d'Allah Azzawajal, que cette information ait un rapport avec Allah Azzawajal lui-même ou bien avec ses créatures. C'est la même chose. Si Allah Ta'ala parle de lui-même, il dit qu'il a deux yeux, on dit qu'il a deux yeux. Il dit qu'il a deux mains, on dit qu'il a deux mains. Il a cité, yani Allah Azzawajal, ses attributs. On doit croire qu'il a tous ses attributs. Il a dit qu'il riait, donc il rit. Il a dit qu'il s'étonnait, donc il s'étonne. Et comme ça. Ça, c'est en parlant de lui. Maintenant, s'il parle de ses créatures, s'il dit que la terre est plate, on dit elle est plate. S'il dit elle est ronde, on dit elle est ronde. S'il dit il y a sept cieux, on dit il y a sept cieux. Et comme ça. Même s'il parle des animaux, s'il parle. Pourquoi ce sont ces créatures? Et nous, on a attesté que Allah Azzawajal ne mentait pas et que sa parole, c'est la plus véridique. C'est pour ça que Cheikh Ibn Taymiyyah va dire, regardez ce qu'il va dire, il a dit, وَيُؤْثِرُونَ كَلَامَ اللَّهِ عَلَى كَلَامِ غَيْرِهِ مِنْ كَلَامِ أَصْنَافِ النَّاسِ. Il a dit, c'est pour ça que les gens de la sunna et du consensus font devancer la parole d'Allah Azzawajal sur la parole de tous les autres gens. وَيُقَدِّمُونَ هَدْيَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَدْيِ كُلِّ أَحَدٍ. Et ils font la même chose. Ils font devancer quoi? Le chemin et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le chemin et la guidance de toutes les autres personnes. Maintenant, le cheikh al-Ahmadullah va donner un exemple. Il a dit: فَإِذَا جَاءَتْنَا أَخْبَارٌ عَنْ أُمَمٍ مَضَتْ وَصَارَ الْقُرْآنُ يُكَذِّبُهَا فَإِنَّنَا نُكَذِّبُهَا. Il a dit: puisque nous on atteste que la parole d'Allah Azzawajal est la plus véridique. Et maintenant, par exemple, va nous venir une information en ce qui concerne yani, les communautés, les peuples et les gens qui ont vécu après nous, avant nous. Et, par exemple, le Coran dément une certaine information. Il a dit, on doit nous aussi la démentir. Il a donné un exemple. Il a dit, مثال ذلك. اشتهر عند كثير من المؤرخين أن إدريس قبل نوح. Le Cheikh Ali rahmatullah a dit, ça s'est propagé, il s'est propagé chez beaucoup d'historiens. Que quoi? Que le prophète Idris est venu avant le prophète Nuh, alayhi salam. وهذا كذب, le Cheikh dit, et ça c'est un mensonge. Ça c'est un mensonge. لأن القرآن يكذبه. Pourquoi? Parce que le Coran dément cela. Le Coran dément cette information. Il dit que ce n'est pas vrai que Idris yani, soit venu avant Nuh alayhi salam. Ensuite, il a cité le verset: Inna awhayna ilayk kama awhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'dih. An-Nisa 163. Écoutez bien ce que Allah Ta'ala a dit. Nous t'avons, c'est-à-dire à toi Muhammad alayhi salam, nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Nuh et aux prophètes après lui. Donc, écoutez bien, nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à qui? À Nuh, alayhi salam, et au prophète avant lui ou là après lui? Et au prophète après lui. Donc, Idriss est un prophète, donc Idriss est venu après lui, après Nuh, alayhi salam. Ensuite, il a cité un autre verset. Parce qu'Allah Ta'ala dit, وَذْكُرْ فِي كِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا Maryam 56. Et mentionne Idriss dans le livre, c'était un véridique et un prophète. Ce qui nous intéresse dans ce verset, c'est qu'Allah Ta'ala dit de Idriss, c'était un prophète. Et mentionne Idriss dans le livre, c'était un véridique et un prophète. Bon, d'accord, vous êtes d'accord que Allah Ta'ala dit c'est un prophète. Maintenant, Allah Ta'ala va dire dans un autre verset, ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. الحديد 26. Écoutez bien. Nous avons effectivement envoyé Nuh et Ibrahim et accordé à leur descendance la prophétie et le livre. Donc, Allah Ta'ala dit, nous avons envoyé Nuh et Ibrahim. Ce qui nous intéresse ici, c'est Nuh. Et il a dit, et nous avons accordé à leur descendance, c'est-à-dire à Nuh, et à Ibrahim, qu'est-ce que nous avons accordé à leur descendance? La prophétie. Et on a vu que Idriss est un prophète, et il a dit à leur descendance, la descendance de Nuh. Ça veut dire Nuh, Idriss vient de Nuh. Ça veut dire il vient après Nuh. Idriss vient de la descendance de Nuh. Et il a eu la prophétie. Donc, conclusion, maintenant les gens qui disent que Idriss est venu avant Nuh, on les dément, on leur dit vous vous trompez ou là vous mentez. Parce que le Coran est clair et dit que les prophètes sont venus après nous, alayhi salam. D'ailleurs, il y a un hadith dans le Bukhari que tout le monde connaît, que les gens, yawm al-qiyama, quand ils vont pleurer, etc., devant Adam, alayhi salam, il va les envoyer chez qui? Il va les envoyer chez nous, en leur disant que c'est le premier prophète, le premier messager. Et ils vont vers lui, ils vont lui dire, entre autres, tu es le premier qu'Allah Ta'ala a envoyé sur terre, etc., etc. Vous connaissez la suite. Donc, cher ici, qu'a voulu dire en donnant cet exemple? Il a voulu dire, si Allah Ta'ala, tu reconnais que sa parole est la plus véridique, tu dois démentir, même si tous les gens du monde se mettaient d'accord pour contrarier une chose qu'Allah Ta'ala a dite, tu dois les démentir. Même s'ils sont des milliards à te contrarier. Tu dois être du côté d'Allah Azzawajal. C'est comme ça le vrai croyant. Je vais donner moi un autre exemple que Cheikh on n'a pas donné. Je donne un exemple. Par exemple, si je parle par exemple avec des grands savants, comment on appelle ça, des astrologues par exemple, des grands savants, des Américains, je ne sais pas qui, des Allemands, là, et ils vont dire par exemple qu'il y a un seul ciel. Alors que moi, j'ai dans mes versets, où Allah Ta'ala a cité plusieurs versets, où il a dit qu'il y a sept cieux. Comme le verset que vous connaissez tous. Et lorsque Allah Ta'ala a dit, sur le mulk, il a dit, خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. Il a dit, خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. Celui qui a créé sept cieux superposés. Le mulk 3, la royauté, verset 3. Donc, dans sur le mulk, qu'a dit Allah Ta'ala? Il a dit, خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. Il a cité sept cieux. Maintenant, si quelqu'un, le grand savant, le plus grand du monde, va me dire qu'il y a un seul ciel, il n'y en a pas sept. Qui vais-je croire? Je vais croire Allah Azzawajal, parce que j'ai attesté que sa parole était la plus véridique. J'ai attesté que sa parole était la plus véridique. Par exemple, je vais donner un autre exemple. Par exemple, on entend souvent les gens polébiquer ou bien faire une sorte de devinette en disant par exemple, qui est venu le premier? La poule ou bien l'œuf? Si tu dis la poule, je vais dire la poule d'où elle est venue. Il faut qu'elle soit venue d'un œuf. Si tu dis l'œuf, je vais dire l'œuf d'où il est venu. Il faut qu'il y ait une poule pour qu'il y ait un œuf. On va rester comme ça, des années sans trouver la solution. Donc, si quelqu'un va dire le premier c'est l'œuf, je lui dis tu te trompes. S'il va dire le premier c'est la poule, je vais lui dire tu te trompes. Donc, où est la vraie réponse? La vraie réponse, la cité d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit dans le Coran, وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. Et de toute chose, nous avons créé deux éléments de couple. Zariyat 49. Et de toute chose, nous avons créé deux éléments. Allah Ta'ala n'a créé ni la poule, ni quoi, ni l'œuf, le premier. Il a créé une poule et un coq. Et ils se sont accouplés, ils ont donné l'œuf. Comme il a créé Adam, et de Adam, il a fait sortir Hawa. Et comme ça, de toute chose, il a créé le masculin et le féminin. Ça se trouve d'ailleurs, même les savants maintenant ont trouvé que même les fleurs, subhanallah, même les fleurs, yani, connaissent quoi? Connaissent yani, ce duo-là. Yani, il y a la fleur, yani, la femelle, et il y a, yani, comment on dit le contraire de femelle? J'ai oublié, masculin, là. Ensuite, subhanallah, il y a les vents qui viennent, qui prennent yani, ce qu'il y a chez la fleur, l'enchâche, ou le contraire, ils l'emmènent chez la fleur, et elle éclot. Et c'est les vents qui font cela. Et d'ailleurs, Allah Ta'ala dit, dans un verset, Allah Ta'ala dit, et nous avons envoyé les vents pour faire éclore. D'ailleurs, les savants ont trouvé maintenant, subhanallah, que même dans les nuages, il y a, subhanallah, masculin et féminin. Et quand ils se rencontrent, il y a la pluie. Non, subhanallah l'adhim, celui qui a créé de toutes choses deux éléments. C'est pour ça que plusieurs fois il dit, moi, mimma la ta'lamoun. Il a dit des choses que vous connaissez, mâle et femelle, et des choses que vous ne connaissez pas. Non. Même dans l'électricité. Dans l'électricité, ils disent, il y a mâle et femelle pour qu'il y ait la masse. Subhanallah l'adhim. Ça, c'est ce qu'on a découvert maintenant. Il reste des milliards de choses à découvrir dans cet univers. Subhanallah l'adhim. Ça c'était un autre exemple. Maintenant, tout ça, c'était en ce qui concerne la parole véridique d'Allah Azzawajal. Maintenant, on va passer au petit 2. Il en est de même pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sa parole est la plus véridique. Pourquoi? Parce que le messager d'Allah ne parle pas de ses passions. Il ne parle pas de lui-même. Quand il parle, c'est la révélation. C'est pas lui qui parle. C'est la révélation, subhanallah. Il ne dit pas ce qu'il veut. Sauf quand il parle dans les choses de la dunya. Quand il parle des choses de la dunya, le messager d'Allah est comme nous. Mais s'il parle de quelque chose qui rentre ou bien dans le dîn, ou bien dans l'invisible, il parle des choses qui ont eu lieu il y a des millions d'années. Ou là, il te parle des choses qui vont avoir lieu dans des millions d'années. Tout cela. Il ne peut se tromper, sallallahu alayhi wa sallam, car il est infaillible. Pourquoi? Car c'est la révélation qui parle. Ce n'est pas lui. Non. Donc maintenant, si on va dire que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, yani, tout ce qu'il dit, yani, il ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. Et tout ce qu'il dit, on doit le croire en ces choses. Non. Cher, c'est dommage que, yani, il n'a donné aucun exemple en cela. Moi, je donne l'exemple, par exemple, le plus connu, par exemple, lorsqu'il a parlé de la mouche. Il a dit, si une mouche tombait, yani, dans votre verre, par exemple, et il a dit, on pouvait la faire rentrer, yani, la tremper dans le verre, ensuite boire, sans que rien ne nous arrive. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, car la mouche contient dans une de ses ailes, du poison et dans l'autre elle l'antipoison comme nous quand elle tombe et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quand elle tombe sur le côté du poison subhanallah la mouche ne tombe jamais de l'autre côté subhanallah il a dit donc on est obligé de la tremper pour que la deuxième aile hein, qui contient le médicament puisse yani tue le poison et ensuite tu vas boire bi'idhni azzawajal sans que rien ne t'arrive bi'idhni rabbi azzawajal non. Maintenant, s'il y a des savants, ou des médecins, ou des profs ou là, qui disent que ça, c'est pas vrai. Ils disent non, c'est pas vrai. On a bien yani, examiné la mouche sous le microscope, sous ceci, cela. Il n'y a ni poison, ni antipoison. On va croire qui? Le messager d'Allah sallam. Naam. Voilà l'antidote. Ou bien on va croire ce savant qui, entre parenthèses, est un jahil ici. Ici, il est devenu ignorant. Qui on va croire? On va croire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un peu par exemple, si le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous va dire par exemple qu'il y a une vache qui a parlé. Comme il a dit ça dans un hadith authentique. Il a dit qu'une fois un homme est monté sur une vache. Avec la vache, en général, on ne monte pas sur elle. On monte sur l'âne et sur le cheval. Il est monté sur une vache. La vache lui a dit, ô toi qui es sur moi, ne sais-tu pas qu'on n'a pas été créé pour être monté? On a été créé pour labourer. Subhanallah. Si quelqu'un va nous dire, par exemple, c'est impossible qu'une vache parle, est-ce qu'on va le croire lui ou bien on va croire le messager d'Allah, qui a dit que la vache a parlé, cette vache a parlé? Et s'il va nous dire, comme dans un hadith authentique, qu'un jour, un chameau, est venu se plaindre à lui, en lui disant que mon propriétaire, yani, ne me donne pas à manger assez, et yani, prend sur moi plus que je ne peux prendre. Il a même pleuré. Et on va dire ça aux gens, et les gens vont dire, c'est pas possible. Un chameau ne peut pas pleurer ni aller déposer plainte. Qui on va croire? On va croire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, dans le Coran, Allah Ta'ala n'a-t-il pas dit au sujet d'une fourmi? Il a dit, hatta ida wad an-namli qalat namlatun ya ayyuha an-namlu udkhulu masakinakum la yahtamannakum Sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Sourate an-Naml, je sais pas quel verset. Mouhim, Allah Ta'ala a dit que une fourmi a parlé. Il a dit, attention, rentrez dans vos cavernes, là, dans vos trous, pour que Suleyman alayhi salam ne vous piétine pas avec ses soldats. Donc, si quelqu'un va nous dire, la fourmi ne parle pas, on va lui dire, tu es un ignorant, elle ne parle pas chez toi. Chez nous, chez les musulmans, chez les croyants, qui croient au Coran, la mouche, cette fourmi a parlé, du moins elle. Al-Muhim, ça c'était un exemple. Je donne aussi un exemple du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, lorsqu'une fois une personne est venue lui dire, mon frère a mal au ventre, que dois-je faire? Il lui a dit, dis-lui, et le hadith bien sûr se trouve dans Bukhari ou Muslim. Il lui a dit, dis-lui de prendre du miel. Il est allé, il est revenu. Il lui a dit, yani, il a pris le miel, ça a empiré. Il lui a dit, dis-lui de prendre le miel. Il est parti la deuxième fois, il est revenu. Il lui dit, il a pris le miel, yani, ça a empiré, ça n'a rien donné. Il lui dit-lui de prendre le miel. Il est parti la troisième fois, il est revenu. Il lui dit, yani, il a pris le miel, ça a empiré. Le messager d'Allah, alayhi lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Sadaq Allah. Allah Ta'ala est véridique. C'est-à-dire, quand il a dit dans le verset que le miel contient la guérison, Sadaq Allah, c'est le plus véridique. Et il lui a dit, le ventre de ton frère a menti. Le ventre de ton frère a menti. Et lorsqu'il a entendu cette phrase, il est allé la dire à son frère. Et bien sûr, il lui a dit de prendre aussi le miel ici. Et il a guéri bi'idhnillahi ta'ala. Et ça veut dire, regardez, le messager de là lui a dit, Allah Ta'ala a dit que le miel guérissait, le miel guérit. Exactement. Ça ne veut pas dire que le miel doit guérir en tout. Il y a le cancer, le miel. J'ai mal à la tête, le miel. Non. Mais en certaines maladies, il guérit. Entre autres, celle-là. Et d'ailleurs, cette personne avait la diarrhée, d'après certaines versions. Le Mouhim, quand il lui a dit que le miel guérissait, il lui a dit, yani Allah Ta'ala, c'est sa parole la plus véridique. Et il a dit que le miel guérissait. Et c'est le ventre de ton frère qui a menti. Et l'autre, quand il est allé dire comme ça à son frère, il a su que yani, il devait croire en cette chose. Et lorsqu'il a vraiment cru en cette chose, il a guéri. Et certains racontent une histoire en ce sens. Ils ont dit qu'il y avait un savant. Yani, pour dire que le messager d'Allah, quand il dit une chose, c'est quoi? C'est une chose. Yani, il faut croire en elle. Il ne faut pas avoir le moindre doute. Oui. Ils ont dit qu'il y avait un savant. Certains gens étaient assis avec lui. Une personne est rentrée. Elle a dit au savant, il y a X, salam alaikum, etc. J'ai mal à tel endroit. Que dois-je faire? Il lui a dit, va prendre un peu de miel. L'autre est parti. Un quart d'heure après, est arrivée une autre personne. Elle a dit, salam alaikum, voilà, j'ai mal à tel endroit. Un autre endroit. Pas le même que le premier. Par exemple, le premier, par exemple, au ventre. Par exemple, celui-là, par exemple, il avait mal, par exemple, à la tête. C'est un exemple. Il lui a dit, prends du miel. Il est parti. Est venue une troisième personne, elle a dit, Yani, j'ai mal en tel endroit. Un autre endroit aussi, il lui a dit, prends du miel. Les gens se sont un peu étonnés qu'il était assez auprès de lui. Ensuite, est rentrée une quatrième personne, elle a dit, salam alaikum, salam, là, j'ai perdu mon âne. Mon âne, je ne l'ai pas trouvé, je ne sais pas où il est allé errer, que dois-je faire? Il lui a dit, prends du miel. Subhanallah, naam, prends du miel et prends yani, une grande quantité. Subhanallah, même les gens qui étaient assis se sont étonnés. Une demi-heure après ou une heure, cette personne est venue pour dire à l'autre, Barakallahu fik, hein, j'ai trouvé mon âne, j'ai pris le miel, j'ai trouvé mon âne, Barakallahu fik. On lui a dit comment? Il a dit, quand j'ai pris le miel, il m'a dit d'en prendre assez. Quand j'ai pris assez, j'ai eu mal au ventre. J'ai eu presque la diarrhée. Autrefois, il n'y avait pas les toilettes à la maison. Alors j'ai couru vers la forêt la plus proche. J'ai trouvé là-bas mon âne en train de brouter l'herbe. Je ne sais pas si cette histoire est vraie, mais yani, quand le messager d'Allah dit une chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut l'appliquer. Plus ta conviction est grande, plus yani, tu auras bi-idhnillah des résultats. Non. Il a dit, Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah dit, ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. Il a dit, d'où leur désignation par les gens du livre, c'est-à-dire les gens du Coran et de la tradition. Non. وسموا أهل الجماعة. Et ils ont été aussi appelés les gens du consensus. لأن الجماعة في لأن الجماعة في الاجتماع وضدها الفرقة. Pourquoi? Pourquoi ils ont été aussi appelés les gens du consensus? Car le consensus, le jama'a, revient à se réunir. Et son antonyme, le contraire, c'est quoi? C'est la division, le furqa. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. Même si ce terme consensus désigna par la suite toute assemblée de gens. Un mohim, ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quelque chose de très important. Il a dit, summu ahl al-kitab wa sunnah wa summu ahl al-jama'a. On a vu que, et puis le prédécesseur, là, et ceux qui y suivent, on dit deux, ce sont les gens du consensus, ce sont des gens du livre et de la sunnah et du consensus. Mais maintenant, ici, il a ajouté, ce sont aussi les gens de quoi? De la jama'a. Les gens de la jama'a. La jama'a, c'est le groupe et le consensus aussi. Non. D'où vient cette appellation en fait? Parce que elles, sunna, alhamdoulilah, sont toujours unies. Sont toujours unies. Du moins unies dans les grandes choses. Dans la aqidah, ils sont unis. Et le fait qu'il y ait des divergences dans le fiqh, ça ne veut pas dire que c'est une désunion. Au contraire. Ça veut dire que l'islam est tellement vaste, et tellement il y a à dire dans cet islam que ça n'en finit pas. Subhanallah. Donc, contrairement à qui? Contrairement aux gens de la bida. Les gens de la bida ne peuvent pas s'unir. Ne peuvent pas s'unir. Mais vite, yani, ils se dispersent et ils deviennent dans la fourqa, dans la fourqa, la division. Et ils commencent à s'entre-mordre et yani, s'entre-insulter, ensuite à chacun kaffar l'autre, ensuite ils s'entretuent. Vous pouvez voir ça yani, visiblement chez les gens du takfir. Les gens du takfir, prenez par exemple Salah 19 et la clique. Regardez, entre eux, ils se kaffarent. Ils sont ensemble, 10, 15, 20, ensuite, là, ça ne marche pas. Donc il dit, toi tu es kaffar, toi tu es kaffar. Donc, et face, ils deviennent les pires ennemis entre eux. Vous avez remarqué que tout dernièrement, pour ceux qui étaient présents, Salah 19 et la clique des Tkfirion, hein, qui se disent les alliés du Tawhid, les lions du Tawhid, comme ça ils disent. Tawhid, hein, pas Aqidah. Tawhid, c'est-à-dire Tawhid al-Hakimiyya, c'est tout. C'est pas Tawhid al-Asma wa al-Sifat, non. Tawhid al-Hakimiyya, c'est tout. Le Mouhim, les alliés du Tawhid, qu'est-ce qu'ils faisaient les alliés du Tawhid et les lions du Tawhid, en parenthèse. Les souris du Tawhid et les rats du Tawhid, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils donnaient le micro dans leur salon au Habesh. Allahu Akbar. Salah 19, dans son salon, j'étais présent, et dans le micro au Habash pour faire des cours. Les Habash, les ennemis des attributs d'Allah, très connus dans le monde. Salah 19 et la clique leur donnent le micro pour faire des cours dans leur salon et vont assister aussi dans les salons des Habash. Allahu Akbar. Allah Ta'ala a inscrit, les anges ont inscrit, ils ont noté. Ceux-là qui, Ansar Tawhid, ceux-là ils veulent apprendre aux gens le Tawhid. Et ils défendent le Tawhid. Allahu Akbar. Allah Ta'ala a inscrit. Al-Muhim, ces gens-là, comme j'ai dit, en général, les Khawarij, depuis le temps de Ali radiallahu ta'ala anhu, et avant lui, ils ont tué Athman ibn Affan, et avant lui, ils sont sortis au temps du messager d'Allah. Depuis les premiers temps, jamais ils ne peuvent s'unir. Jamais ils ne peuvent continuer. Vous remarquez, même sur le Paltok, si vous avez remarqué, qu'ils ne peuvent même pas garder un salon, son nom, pendant par exemple un mois ou là, 3 mois. Chaque 15 jours, ils changent de nom de salon. Pourquoi? Ils savent que les gens ne les acceptent pas. Ils savent que les gens ne les veulent pas. Ils savent que les gens n'aiment pas cette chose qui va à l'encontre de l'islam, qui va à l'encontre des salafs salah, même si eux, ils appellent leur salon avec genre salaf salah, genre partisan de la sunna, genre lion du tawhid, genre ansar tawhid, genre tout ça, ça ne peut changer en rien. Enfin, le takfir, c'est le takfir, la bid'a, c'est la bid'a. Non. Donc, ils changent de salon comme ça, pour comme ça, yani, les gens croient que c'est un nouveau salon. Ah, alhamdoulilah, un nouveau salon, on rentre. Et ce sont toujours les mêmes personnes. Non. S'ils pouvaient changer de pseudo, ils l'auraient fait. Mais on ne peut pas. Ils n'ont que yani, changer de salon pour essayer de qui? Pour essayer de mordre les nouveaux. Les débutants, ils essayent de les mordre et de leur donner le virus. L'âme, c'est leur donner le virus. Ils savent que c'est très difficile d'enlever à quelqu'un un virus s'il a le takfir ou bien le habashisme ou bien le jahmisme ou bien c'est très difficile. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Al-Muhim, Al-Sunna ou Al-Jama'a, donc ils sont connus pourquoi? Pour être, yani, masha'Allah, un groupe. Pour être dans le consensus. Ils sont connus pour ne pas être dans quoi? Dans la division. L'âme. Et les savants ont dit, on les appelle aussi Ahl al-Jama'a, car ils se, ils se groupent aussi autour du gouverneur musulman. Na'am, yajtami'ouna hawla al-hakim al-muslim. Les gens de la bida, comme les Mu'tazila, comme les Khawarij, les Takfir, qu'est-ce qu'ils font? Leur grand ennemi, c'est qui? C'est le gouverneur musulman. Leur grand ennemi, c'est quoi? C'est qui? C'est le gouverneur musulman. Il est plus ennemi pour eux que le shaitan. C'est pour ça qu'ils passent leur vie à parler du matin au soir du gouverneur musulman, comme quoi c'est un tarout, et comme quoi, yani, si tu parvenais à dire qu'il était kafir, tu as, masha'Allah, ta place dans le paradis. Dis seulement que Bouteflika est kafir, ou bien que je ne sais pas comment il s'appelle l'autre du Yémen ou là de le. Qu'il est kafir, Al-Muhim, ils te disent tu as fait le tawhid, masha'Allah, khlas. Tu es avec Abu Bakr et Omar et Uthman et Ali dans le paradis. Khlas. Seulement dit que celui-là est kafir. Et je jure par Allah le Tout-Puissant que si tu lui demandais une petite chose dans la Aqidah, il ne pourrait te répondre. Une petite chose dans les noms et les attributs, il ne pourrait te répondre. Une petite chose. Dans les woudou, donc là, il ne pourrait te répondre. Subhanallah al-Azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil de ces égarateurs, de ces égarés égarateurs. Alaykoum salam, mubarak. Égarés égareurs. Donc, les gens de la sunna, sont connus pour leur, comme je vous disais tout à l'heure, leur consensus et pour le rassemblement autour de qui? Autour du gouverneur musulman tant que il n'est pas devenu kafir. Tant que il n'est pas devenu kafir. Si quelqu'un devient kafir, il faut qu'on dise de lui kafir. Ce n'est pas à nous de commander. Si Allah Ta'ala ou son messager d'Allah disent de lui qu'il est kafir, ça veut dire qu'il est kafir. Mais s'il remplit les conditions du takfir, et les savants disent c'est un kafir, c'est un kafir. Pourquoi on dit les savants disent? Parce que quand on n'est pas savant, on se trompe. et on vite on distingue kafir. Or, comme a dit Ibn Taymiyyah, rahmatullah, si tu te trompais sur un kafir et tu disais de lui, c'est un musulman, c'est beaucoup mieux chez Allah que de te tromper sur un musulman, dire de lui que c'est un kafir. Vous savez, vous voyez la différence. Un kafir qui s'appelle Jean, qui est un prêtre, il a la croix. Il a la croix, je ne l'ai pas vu moi. J'ai cru que c'était un musulman. Et je dis aux gens, celui-là c'est un musulman. Je me suis trompé ou je ne me suis pas trompé? Je me suis trompé, c'est un kafir celui-là. Il a la croix, c'est un prêtre. Mais, chez Allah Ta'ala, c'est moins grave que de dire d'un musulman, c'est un kafir. Car en disant des musulmans que c'est un kafir, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, tu vas le priver. Tu ne vas pas le marier. On ne marie pas une musulmane avec un kafir. Ça, tu ne vas pas, hein, tu ne vas parler de lui que du mal. Tu ne vas pas le faire hériter s'il va mourir. Et s'il meurt aussi, tu ne vas pas l'hériter. Tu vas dire à leurs enfants, n'héritez pas le, ne l'héritez pas. Tu peux même le tuer, c'est un kafir. Tu dis celui-là, c'est un kafir, il me fait la guerre, moi je le tue. Et comme ça. Donc tu vois, en te trompant ici, qu'est-ce qui s'est passé? Et que c'est devenu vraiment, vraiment grave. Non. Donc quand on a dit que le messager d'Allah, quand il disait une chose, il faudrait que tu mettes dans ton cœur que sa parole est la plus véridique, rappelez-vous par exemple, lorsque le messager d'Allah a fait le pacte de l'Hudaybiyah. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un pacte avec qui? Avec des kuffars de Quraysh. Et comme quoi quoi? Comme quoi beaucoup de choses. Comme quoi, il a dit, vous n'allez pas rentrer à Mecca cette année. Alors qu'il voulait rentrer à Mecca. Bon alors, laissez-nous faire une Umrah cette année. Pas d'Umrah cette année, disent les kuffars. Ça doit rentrer dans le pacte. Pas d'Umrah cette année. Tout musulman qui vient vers nous, les kuffars, on ne vous le rend pas. Et tout kafir qui part de nous vers vous, les musulmans, vous nous le rendez. Signé. Ça doit rentrer dans le pacte. Subhanallah. Des choses vraiment yani injustes. Et le messager d'Allah a signé le pacte. Non. Au point où certains sahaba ont eu presque le doute. Comment subhanallah. Toute cette injustice. Et le messager d'Allah signe le pacte. Non. Tu dois croire, ce qu'on disait tout à l'heure, que quand le messager d'Allah dit une chose ou fait une chose, il est guidé par qui? Il est guidé par Allah Azza wa Jalla. Il ne fait pas des choses de sa tête dans le din. C'est pour ça que cette signature qu'il a faite et ce pacte qu'il a signé, c'était le pacte de la libération. Dès après lui, après ce pacte, Allah Ta'ala a fait descendre le verset « Inna fatahna laka fatahan mubina ». Nous avons nous t'avons donné la grande libération. Ce n'est pas la libération de la Mecque, non. C'est ce pacte que tu as signé, c'était yani, la vraie libération. Car après ce pacte, hein, une année après seulement, il a libéré la Mecque, sallallahu alayhi wa sallam. S'il n'avait pas signé ce pacte, s'il avait suivi par exemple les gens qui ont dit qu'il ne faut pas signer le pacte, ce sont des kuffars, il faut les tuer. Les tuer, ils étaient combien? Ils étaient yani, vraiment nombreux par rapport aux sahaba qui n'étaient que de 1000, leur nombre n'était que de 1000 à peu près. S'ils s'étaient entretués avec les kuffars, ils les auraient anéantis. Les kuffars auraient anéanti les musulmans. Allah Ta'ala savait que ce n'était pas le moment qu'il fallait attendre. Et une année après, de 1000, ils sont sautés, bi'idna ta'ala, à 10 000. Ils sont venus à 10 000 et ont ouvert la Mecque, bi'idna azza wa jal, de force. Comme disent les savants. Et les kuffars étaient humiliés, avidés, baissaient tous la tête et couraient se cacher. Ils couraient demander de l'aide auprès des musulmans en leur demandant qu'ils ne les tuent pas. Et comme ça, subhanallah, celui qui suit le messager d'Allah, comme a dit Allah Ta'ala, il a dit « Wa in tuti'uhu tahtadu ». Il a dit, et si vous suivez le messager d'Allah, sortez-moi. Si vous le suivez, vous serez guidé. Naam. Quand le messager d'Allah te dit une chose, ferme les yeux et dit, sami'na wa ta'na. Ferme les yeux et dit, j'ai entendu, j'applique. Je sais que ce n'est qu'un bien pour moi. Que je comprenne le bien ou que je ne le comprenne pas. Que je le sente ou pas, c'est un bien pour moi. dans cette vie et dans l'au-delà. C'est comme ça que doit yani, attester le musulman, le vrai musulman. Naam. Regardez par exemple seulement la différence entre nous par exemple et les tekfiriyin. Nous et les tekfiriyin par exemple. Regardez, les tekfiriyin par exemple, à chaque fois qu'ils ont l'occasion de parler, à chaque fois qu'ils ont l'occasion de parler sur un gouverneur musulman, ils parlent de lui du mal, devant le public, devant tout le monde, sur les mimbars, dans les assises, sur des fauteuils. À chaque fois qu'ils ont l'occasion, ils parlent de lui du mal. Alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris, comme dans le hadith authentique, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, quiconque veut parler sur un gouverneur ou bien lui donner nasiha, qu'il ne le fasse pas en public. Il a dit, mais qu'il le fasse en tête à tête avec lui, qu'il prenne sa main, comme ça il a dit, qu'il prenne sa main et qu'il fasse un tête à tête avec lui. Ensuite, il lui dit, s'il accepte, d'accord, s'il n'accepte pas, devant Allah Ta'ala, il a fait ce qu'il a fait. Pourquoi le takfir? Il n'accepte pas ça. Il n'accepte pas le jugement du messager d'Allah, alayhi salam. Parce que déjà, quand ils font cette chose devant le public, ils le font par ostentation. Ils veulent que les gens les voient. Masha'Allah, comme il est courageux celui-là. Il n'a pas peur. Le Tawhid, il le cite comme ça devant le minbar, devant les gens. Masha'Allah, il n'a peur ni de la prison, ni de la police, ni des gendarmes, ni de la sécurité. Masha'Allah, les takfir. Ils sont vraiment courageux. Allahu Akbar. Naam. Au point où, comme a dit le Cheikh Hafidahullah et le frère Abdelmalek Ramadani une fois, dans une de ses risalahs, de ses épîtres qu'il a écrit, je l'ai lu une fois, il a dit, au point où on lui a raconté une fois que quelqu'un, je ne sais, j'ai oublié quel hadith on lui a dit, le messager d'Allah a dit comme ça, je crois ce hadith, je crois. On lui a dit, il a dit que, avec les gouverneurs, il faut aller doucement, il ne faut pas dire de publiquement, il faut lui prendre la main en tête à tête. Vous savez qu'a dit cette personne, ce takfiri? Il a dit, moi je ne suis pas un messager, le verbe suivre, hein, je ne dois pas suivre, je ne suis pas un prophète ou un messager qui m'humilie. Subhanallah, kelimatu kufr, kelimatu kufr. S'il n'est pas kafir, il a dit kelimatu kufr. Non. Je ne suis pas un messager qui m'humilie. C'est-à-dire, moi, le messager de là veut m'humilier. Yani, devant les kuffars, je n'ai pas le droit de parler, je me cache tête à tête. C'est quoi cet islam? C'est comme ça qu'il a voulu dire. C'est quoi ce messager? Moi, je ne le suis pas, celui-là. Subhanallah al-Azim. Kuffar sarih. A'udhu billah. A'udhu billah. A'udhu billah. Et il n'y a pas un endroit où il y a des tekfiriyoun. Sans que quoi? Sans que, subhanallah al-azim, yani, l'islam devient amoché pour les gens et les gens fuient de l'islam. Il n'y a pas un endroit où tu vois le tekfiri dans un quartier ou là, dans ta ville ou là, sache que, yani, si c'était possible, quitte cet endroit et va habiter ailleurs. Il va amochir l'islam et il va donner l'image la plus sale de l'islam la plus vilaine. Il va faire croire aux gens que c'est ça l'islam. Les gens détesteront l'islam. Ils diront, si c'est ça l'islam, moi je préfère ne pas rentrer dans cet islam. Et d'un autre côté, il faut que vous sachiez, yani, pour que la personne qui soit au courant, yani, au moins elle sait cette chose. Quand elle sait cette chose, yani, ça va lui permettre de patienter. Il faudrait savoir que le messager d'Allah a dit que ces gens-là resteront jusqu'à la fin du monde. Takfiriyon, il est impossible de les exterminer. Ils vont rester, entre parenthèses, malheureusement, jusqu'à la fin du monde. Car Allah Ta'ala a voulu faire d'eux des fitnas pour nous et pour les gens. C'est comme Iblis. Iblis l'a créé jusqu'à la fin du monde. Est-ce que Allah Ta'ala aime Iblis? Il ne l'aime pas, c'est son grand ennemi. Mais c'est une fitna. La même chose des takfiriyon vont rester jusqu'à la fin du monde comme fitna. C'est le message de l'Allah qui l'a dit dans un hadith authentique. Mais, je vous annonce la bonne nouvelle, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Kullama zahara qarn, hadith authentifié par Cheikh Al-Albani. Il a dit, à chaque fois que les takfiriyons font sortir une corne, yani, ils commencent à être vus, à être connus, à se multiplier leur nombre, etc. Qutir, Allah Ta'ala l'enlève, coupe la corne. Vous voyez, jamais ils n'ont réussi, ni ne pourront réussir. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. En Égypte, en Algérie, au Soudan, dans tous les pays du monde. Autant d'Othman, Affan, autant d'Ali, autant. Ils ne sont jamais arrivés, ils n'arriveront jamais. Pourquoi? C'est Allah Ta'ala qui a dit. D'après ce hadith du messager d'Allah, authentique. Il a dit à chaque fois qu'une corne apparaît, elle est coupée. C'est Allah Ta'ala qui la coupe. Remarquez, jamais ils n'arriveront en Bidna Azzawajal. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur le faux. Et ensuite, ce qui va, Inch'Allah Ta'ala, vous renforcer votre croyance en eux, qui sont vraiment dans l'égarement, c'est que quoi? C'est comme a dit le messager d'Allah, dans ce même hadith, le hadith de la corne, il a dit à sa fin, et yani, à chaque fois qu'une corne apparaît, elle est coupée, il a dit, jusqu'à ce que leur dernier membre, yani, viendront avec le Messie Dajjal. Allahu Akbar. Lorsque le Messie Dajjal va venir dans la fin des temps, il va venir pour combattre les musulmans, bien sûr, il y aura qui avec lui? Il y aura les juifs, des milliers de juifs, il y aura aussi des chrétiens, et il y aura qui? Et il y aura les takfiriyons, ils seront avec lui, les khawarij. Comme ça dit le messager d'Allah, il a dit jusqu'à ce que leur dernier vienne dans les rangs du Messie Dajjal. Subhanallah. Allah Ta'ala les punira et yani, leur fera renverser les cœurs et quand ils verront le Messie Dajjal, ils croiront que c'est Allah Azzawajal. Et ils vont le suivre comme punition d'Allah Azzawajal pour n'avoir pas suivi ici le haq. Alors Ta'ala les punira qu'ils mourront tués par les musulmans. Comme ils sont morts dans tous les temps, depuis qu'a commencé l'islam, ils sont morts tués par les vrais musulmans. Comme au temps de Ali, tué par Ali ibn Abi Talib, il a exterminé des milliers d'eux. Naam. Tous morts, yani, dans des morts atroces. Les gens de la bid'a, comme ça, ils terminent. A'udhu billah, ta'ala. Naam. Je m'arrête ici, inshallah ta'ala, b'idhna azza wa jal. On terminera, inshallah ta'ala, la prochaine fois. Donnez-moi, inshallah ta'ala, 5 minutes pour me reposer. Subhanak allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Mettez le Coran ou quelque chose, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah.